Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. L'association burundaise des consommateurs, de même que les citoyens rencontrés dans les rues de Bujumbura, ne cachent pas leur ras-le-bol. Après l'augmentation des prix du carburant, pour le président de la Bouco, le gouvernement devrait penser à diminuer aussi les coûts quand les prix chutent sur le marché international. Quand la nature se fâche contre les hommes et les animaux, un agent de sécurité est mort électrocuté au port commercial de Rumonge la nuit dernière suite à l'écroulement d'un poteau électrique lors d'une pluie intense. À Matana, ce sont deux vaches mortes foudroyées. Cette vache et trois moutons sont morts foudroyés également le soir de ce vendredi vers 18h, cette fois-ci sur la colline Kinyovu. C'est en commune Rusaka, de la province Mwaro. Et dans la chronique culture, un ethnomusicologue nous fera remarquer que le Burundi regorge de talents qu'il faut développer et qu'il est possible de constituer un répertoire de chants traditionnels de toutes les provinces du pays afin d'avoir une identité musicale propre au Burundi. Nous aurons les appréciations de Christian Pario. Il est docteur en musique. Il vient de dispenser une formation à certains chefs des chorales regroupés au sein de l'association A Cappella du Burundi. Rendez-vous à la fin de ce journal qui sera suivi comme tous les samedis par la revue de presse. Et Léonce Vitalio me rejoindra dans son studio pour ce journal des journaux. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. C'est la grogne chez certains des usagers des bus de transport en commun à mairie de Bujumbura sur la récente mesure de revoir à la hausse le prix du ticket de transport qui est allé de 350 à 380 francs burundais. Ils disent qu'ils sont obligés de payer 400 francs vu que les 20 francs ne sont pas en circulation. Suivez certains de ces usagers que la radio Isanganiro a pu contacter. Nous avons accueilli défavorablement cette mesure. Même à 350 francs, ce n'était pas facile. Qu'en dire actuellement à 380 francs, alors que la vie est chère? La mesure est là. Nous n'avons pas d'autre choix. Puisque le prix du carburant a été aussi revu à la hausse. Au lieu de manquer le carburant, vaut mieux la revue à la hausse des tickets de bus. Le problème réside où le manque des billets de 20 francs et des pièces de 10 francs. Quant à moi, la mesure ne pose aucun problème. Mais où est-ce que les convoyeurs vont trouver les 20 francs pour échange? La salaire des fonctionnaires n'augmente pas, mais le prix des tickets a augmenté. C'est un grand problème. Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. L'association burundaise des consommateurs se dit étonnée de cette mesure de hausse des prix des produits pétroliers. Le président de cette organisation critique le fait que le gouvernement procède toujours à la hausse des prix de ces produits lorsque leur coût monte sur le marché international, alors que le gouvernement ne prend pas des mesures similaires lorsque leur prix chute. Pierre Ndouayo demande au gouvernement de prendre des mesures d'accompagnement pour stabiliser les prix des différents produits. Suivez-le. C'est vraiment un commentaire de déception totale. Et c'est vrai, au niveau du communiqué du ministère, ils ont donné comme principale raison la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport au dollar. Et ils ont aussi donné comme raison la hausse des prix sur le plan marché international. Mais ce qui dérange, c'est que quand sur le marché international, il y a plus de 3 ans, le prix des produits pétroliers baissait, nous avons fait des échanges avec les plus hautes autorités et leur demandant de tout faire pour que le consommateur burundais ressente cette diminution, mais ces mesures n'ont jamais été mises en application. Mais voilà que quand ça commence à monter, directement les mesures de revoir à la hausse interviennent. Nous disons que c'est vraiment le début. Vous avez vu le prix des produits pétroliers et suivi par le prix des transports et nous attendons au pire parce que nous disons que c'est vraiment la mise en application de la loi des finances qui, à l'entendre, va être presque financé à 100% et ça ne sera que par les mesures de hausser presque tous les produits et dans ces conditions, la situation des consommateurs burundais sera vraiment intenable. Et concrètement, pour stabiliser les prix, quelles propositions de solutions? Les mesures doivent absolument être prises par le gouvernement. S'il y a une décision qui est prise maintenant, il faut aussi qu'ils prennent aussi des mesures d'accompagnement pour voir comment stabiliser les prix parce que si on cherche à financer ce budget à 100%, en essayant de mettre au dos des citoyens beaucoup de taxes. C'est un principe très simple, on dit que trop d'impôts tue l'impôt. À un certain moment, on sera à une situation où on ne sera plus à mesure de supporter toutes ces taxes. Pierre Ndouayo, c'est le président de l'Association burundaise des consommateurs à Buko, au téléphone avec Aubin Niyonguru. Le ministère de la Santé projette cette année de lutter contre les maladies liées à la malnutrition dans certaines provinces du pays. C'est une annonce faite ce vendredi par la ministre Josiane Nijimbere lors de la présentation des activités réalisées l'année dernière et la présentation des perspectives de l'année en cours. Elle aura précisé que des projets de grande envergure seront également élaborés. Suivez. Élaborer le plan national de développement sanitaire 3e génération, assurer l'ouverture d'une formation de maîtrise en santé publique au niveau de l'INSP, la préparation de la mise en place de la filière de kinésithérapie à l'INSP également, c'est la poursuite de la chirurgie plastique aux malades lépreux, c'est l'organisation de la campagne de distribution de l'albendazole, praziquantel et mectisan contre les géo-helminthiases, la schistosomiase et l'oncocercose. Il y aura poursuite de la mise en œuvre des enquêtes, tests d'efficacité thérapeutique et stratification du paludisme. Il y aura mise à l'échelle des activités de prévention de la mortalité infantile, axée sur la fenêtre d'opportunité des 1000 premiers jours de la vie. On va introduire l'autotest au VIH. Il y aura achat de 476 réfrigérateurs photovoltaïques sans batterie pour équiper les centres de santé. Il y aura organisation d'une campagne de vaccination contre la méningite à l'aide du MENAFRIC VAC chez la population âgée de 1 an à 29 ans. Il y aura également l'enseignement du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans les provinces de Makamba et Rutana. La ministre de la Santé appelle la direction de l'hôpital Manda de conjuguer les efforts avec le ministère de la Santé pour que cet hôpital puisse avancer de statut. Docteur Josiane Nijimbere dit que ceux qui prétendent que l'hôpital de Manda n'a pas de statut ont tort. Il estime que c'est peut-être ceux qui veulent que cet hôpital passe au statut supérieur. Mais pour y arriver, il y a des préalables, ajoute-t-elle. On écoute. L'hôpital de Manda, il a un statut. Ce n'est pas un hôpital sans statut. Tous les hôpitaux ont un statut dans ce pays. Il y a des hôpitaux de district, il y a des hôpitaux de première référence, deuxième référence, troisième référence. Alors je pense que peut-être l'hôpital de Manda voudrait être un hôpital de troisième référence, ce qui n'est pas mauvais. Mais techniquement, ils savent qu'ils doivent respecter certaines normes. Pour être un hôpital de troisième référence, il y a des normes. C'est-à-dire que l'hôpital de Manda, avant de réclamer d'être un hôpital de troisième référence, l'hôpital de Manda doit d'abord montrer qu'il respecte les normes d'être un hôpital de troisième référence pour être un hôpital de troisième référence. Donc il ne suffit pas de crier « j'aimerais être un hôpital de troisième référence ». Il faut, je leur ai demandé de se rapprocher des techniciens au niveau du ministère de la Santé, à la Direction générale de la Santé, mais également à la cellule technique. Financement basé sur les performances pour qu'ils regardent si réellement le statut de l'hôpital peut changer. Alors, pour question des spécialistes, ça c'est une question vraiment qui nous tient à cœur au niveau du Burundi parce que nos hôpitaux manquent de spécialistes. Les hôpitaux, surtout les hôpitaux de l'intérieur. Parce que presque tous les spécialistes qui sont au Burundi, ils sont localisés dans la ville de Bujumbura. Alors, nous avons encouragé les médecins spécialistes à rentrer à l'intérieur du pays avec une prime d'éloignement. Nous les invitons à venir nous aider au niveau des hôpitaux périphériques. Nous invitons surtout ceux qui sont à l'extérieur. Parce que le Burundi compte plus de 300 médecins qui sont restés à l'extérieur du pays. Nous les invitons à venir construire leur nation. C'était la ministre de la Santé, Dr Josiane Nijimbere. Un agent de sécurité est mort électrocuté au port commercial de Rumonge la nuit dernière suite à l'écroulement d'un poteau électrique lors d'une pluie intense. À Matana, ce sont deux vaches qui sont mortes foudroyées. Et cette vache et trois moutons sont morts foudroyés le soir de ce vendredi vers 18h à la colline Kinyovu de la commune Rusaka de la province Mwaro. Selon les sources provenant de cette colline et confirmées par l'administrateur communal de Rusaka, les propriétaires de ces animaux domestiques disent que cela leur cause une énorme perte étant donné que c'était leur principale source de revenus. Une pluie torrentielle mélangée de vent violent qui s'est abattue sur la province de Bubanza au cours de cette nuit a endommagé beaucoup de choses. La route nationale numéro 5 reliant Bujumbura à Cibitoke est difficilement praticable entre la 5e et la 4e transversale de Gihanga. La rivière passe en pleine route Aussi, plusieurs hectares de champs de culture et des maisons ont été détruits. Un certain Emmanuel de la Colline, Séhé, en commune Moussigati de la province de Bubanza, a été arrêté par la police. Andora, en commune Wukinanyana, en province de Chibitoke, c'était ce vendredi. Il est accusé d'avoir caché un fusil de type Kalachnikov dans un champ de manioc sur la colline Rugeyo, commune Moussigati. Ce fusil a été découvert par quelqu'un qui se rendait dans son champ ce jeudi et la police l'a récupéré. Et des parents d'élèves de la 9e année fondamentale à Muyinga pointent du doigt les directeurs exigeant plus de 4000 francs burundais par écolier en violation du principe de gratuité de l'enseignement fondamental. Les directeurs précisent que c'est une contribution pour la passation des tests d'entraînement au concours national. Et les activités scolaires paralysées toute la journée de ce vendredi à l'ETS Kiliama ont repris ce samedi. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi, qui s'était rendu en compagnie de l'inspecteur provincial et d'un représentant de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, dit que les questions qui tournaient autour de la représentation des élèves qui avaient été changées par la direction ont trouvé un compromis. Radio Isanganiro Chronique. C'est la chronique art et culture. Certains des chefs de chœur regroupés au sein de l'association dénommée Acapella du Burundi viennent d'avoir une formation qui va les aider à recueillir et inventorier les chants traditionnels de toutes les provinces du Burundi. Ce travail nécessite beaucoup de moyens matériels, financiers et humains et va aboutir à une mise en commun de ces chants et servir à d'autres recherches afin de créer probablement une identité musicale propre au Burundi, comme l'ont déjà fait certains pays africains. Et ceci est dit par un ethnomusicologue qui a formé ses chefs de chœur, Christian Pariot, docteur en musique, qui affirme que le Burundi regorge de talents qu'il faut développer. La chronique Art et Culture a été préparée et présenté par Christian Savier. Un grand projet de recueil et d'inventaire des chansons traditionnelles dans le plus profond du pays va être réalisé par une équipe de chefs de chœur organisée en association dénommée Acapella du Burundi. Pour y arriver, une formation et une méthodologie sont indispensables, comme nous le dit le formateur Christian Pariot, docteur en musicologie et ethnomusicologue. Par cette structure mise en place, 15 personnes ont suivi. Ici, les 10 jours, hein. Les 10 jours de formation se sont passionnés véritablement pour cette musique. Et donc, dans une deuxième phase, chacun va faire un projet personnel qui va consister à aller à tel endroit, recueillir le chant des termites, le chant du brouillard, le chant des abeilles, des chants de rituel, des chants d'initiation. Donc chacun va faire un projet individuel et on essaiera d'aider au mieux afin qu'il puisse faire cette recherche personnelle en allant dans la région en question. Si on parle du style Makupa, on pense directement à la Côte d'Ivoire, Dombolo, à la RDC. Ce projet pourrait aider à avoir une identité musicale propre au Burundi. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu l'enjeu qui est derrière tout ça. C'est effectivement de revitaliser la musique burundaise à partir de tout ce qu'elle a et de rumba zaïroise ou du Ghana, là. Comment s'appelle ce chant du Ghana, là, extraordinaire, voilà. Et donc, on en est au stade de l'inventaire. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont fait des choses, des gens ne viennent pas. On va aussi s'informer de tout ce qui a été fait pour gagner du temps, hein, ne pas reproduire les mêmes choses, tout ça. Si ça a déjà été fait, on vérifie, on constate. Et l'enjeu, c'est vraiment de donner une identité musicale à ce pays qui est vraiment d'une richesse incroyable et grande reconnaissance de la musique burundaise. Christian Pariot avoue que le Burundi est plein de talents. Oui, oui, oui, tout à fait. En tant que chef de chœur, qui a fait 40 ans de sa vie des directions de chorale, qui est allé chanter dans 25 pays dans le monde, hein, avec mon chœur, tout de suite, ici, dès le premier voyage, j'ai entendu quelque chose dans les voix qui était vraiment spécifique à ce pays. Il y a une douceur extraordinaire des voix. Et ça, on ne le rencontre pas souvent. Et cette douceur s'accompagne d'une assez relative justesse de voix. Mais les défis restent. Ce qui manquerait, bien sûr, c'est une structure d'enseignement, un conservatoire. Voilà. Et sachez que ces chefs de chœur vont être formés en technique de collectage ethnographique et la structure musicale du chant. Christian Savier avec docteur en musique, Christian Pario. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout de suite, Léon Suitario me rejoint dans ce studio pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Dis-moi comment tu traites tes enfants. C'est ici le titre de l'hebdomadaire Iwachu dans un éditorial. Il parle des récits qui font froid dans le dos. Le 14 janvier, à Nyamabere, en commune Mpanda de la province Bubanza, au nord-ouest du Burundi, deux enfants âgés de 8 et 10 ans ont été tabassés avant d'être enterrés jusqu'au cou. Le motif de cette barbarie, vol de maïs dans un champ. Le phénomène prend de l'ampleur, selon toujours notre confrère. Pour la même raison, deux mois plus tôt, deux autres mineurs ont été amputés de leurs mains en commune Itaba de la province Gitega au centre. C'est nouveau, inquiétant. Dans le temps, poursuit Iwachu, les Burundais toléraient qu'un enfant qui a faim cueille dans un champ un fruit, un épi. D'ailleurs, la tradition burundaise soutient que « Utarimi yumwana winyoni ntarimira uwiwe », traduit en français par « qui ne cultive pas pour l'enfant d'autrui, ne le fait pas pour le sien ». Iwachu parle également de la peste caprine qui décime le cheptel à Bugendana. Les chèvres du centre du pays sont emportées par la peste aux grandes dames des commerçants et des paysans. La commune Bugendana en province de Gitega est la plus touchée. 3044 chèvres ont été recensées mortes de peste de petits ruminants depuis décembre dernier. Les analyses effectuées au laboratoire vétérinaire de Bujumbura sur des prélèvements de sang des chèvres mortes confirment l'existence de cette maladie. Une première au Burundi, précise le directeur de la santé animale au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, repris par notre confrère. Le magazine Burundi Echo, pour sa part, précise que ce sont des chèvres qui ont été distribuées par le projet Livimp 2 de la Banque mondiale dans les provinces de Gitega, Mwaro et Kirundo. Elles ont été achetées sur le marché local et les boucs ont été importés de l'Ouganda en novembre-décembre 2017. À deux semaines de leur distribution, ils ont commencé à tomber malades. Le directeur de la santé animale appelle les éleveurs à isoler les animaux déjà atteints, à cesser non seulement de les vendre, mais aussi de les consommer. Revue de la presse. Les responsables des partis politiques à Gitega sont appelés au respect des étapes de référendum constitutionnel. L'agence burundaise de presse revient sur les propos du gouverneur provincial qui demande aux responsables des partis politiques d'informer et de sensibiliser leurs militants au respect des étapes, soulignant qu'il n'est pas encore temps d'entamer la campagne de propagande sur le vote pour ou contre le projet d'amendement de la Constitution. Ceux qui tenteraient d'anticiper seront exposés aux sanctions prévues par la loi, dit-il. La communauté de blogueurs Yaga écrit sur les secrétariats au Burundi tout en s'interrogeant. Faut-il craindre de nouvelles Gucci Grâce du nom de l'épouse de Robert Mugabe, le désormais ex-président du Zimbabwe? Le billet estime en effet que certaines secrétaires se comportent comme des cerbères des temps modernes et abusent de leur pouvoir, gardant jalousement l'accès au bureau de leurs supérieurs. Je ne dis pas que toutes les secrétaires sont mauvaises ou qu'elles se prennent toutes pour des Gucci grasses, précise le blogueur, loin de là. Mais tout autant qu'il y a des secrétaires accueillantes, respectueuses et qui font leur travail de manière impeccable, il y en a d'autres qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter et qui en abusent. C'est là que devrait intervenir leur chef pour les encadrer et au besoin les remettre à leur place. Sinon, nous serions tous tentés de donner raison à celui qui avait dit que les directeurs dirigent l'usine, mais les secrétaires dirigent les directeurs. Une autre interrogation de Yaga portait sur Miss Burundi. Pourquoi nos reines de beauté ne gagnent pas à l'étranger? L'année écoulée a été marquée par la participation de nos Miss dans des concours de beauté internationaux, mais il y a eu baptême de feu. difficile pour elle de finir au moins dans le top 5. Le billet parle de compétitions nettement différentes des nôtres. C'est à travers ce billet, justement, que Miss Ange Bernice Ngabire retrace son passage en août dernier en Afrique du Sud pour Miss Africa Continent 2017. Les étapes à elle seule donnent du fil à retordre, tout est coté, les tenues vestimentaires, les votes en ligne, les différentes épreuves, tout. Aucun détail n'est donc laissé, bref, rien n'est pris à la légère. Autre hic, alors que quelques-unes des candidates sont chaperonnées par leur manager sur place, Ange Bernice a voyagé seule et met en cause le manque d'entraînement face à ce défi de taille. Il ne s'agit pas seulement d'un simple concours d'éloquence ou de bien défendre son projet, comme c'est la coutume ici, loin de là. Et ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léonce Vitaliho et Jean-Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.